Le coffret aux lettres par Philibert Audebrand. Un certain jour, au commencement de l'hiver, il y a 3 ou 4 ans, Abel de Cille s'était levé la tête pleine d'un indéfinissable ennui. Ce matin-là, il pleuvait de la neige fondue. Nous connaissons tous ces longs jours nocturnes du mois de janvier où l'on voudrait ne pas rester chez soi et il est impossible de sortir. Dans ces temps-là, le chant du coq est enrhumé. Une pâle lumière qui descend lentement de l'horizon s'étend sur tous les objets et attriste même la gaieté si expansive des Parisiennes. Les toits sont poudrés à blanc comme les présidents à mortier du siècle de Louis XV. Dans les rues, une boue liquide praline pour ainsi dire les passants. Sur 2 millions d'habitants que les statisticiens comptent dans la grande ville, les deux tiers répètent 10 fois par heure « Ah, quel vilain temps ! Est-ce qu'on n'en verra pas bientôt la fin ?» Dès qu'il eut mis sa robe de chambre à fleurs et chaussé ses pantoufles de maroquin rouge, Abel courut à sa fenêtre, afin de voir jusqu'à quel point le ciel était gris. Comme ses croisées donnaient sur la place de la Madeleine, près du marché aux fleurs, il était à même d'embrasser d'un seul coup d'œil un assez grand espace de firmament et de terrain. 2 ou 3 friquets, ayant les ailes mouillées, voltaient sur le chapiteau des collines corinthiennes, d'abord pour se mettre à l'abri, et ensuite pour se partager quelques graines tombées la veille de la haute des maraîchers fleuristes de Montreuil et de Saint-Mandé. Voilà les pierrots qui se mettent à faire leurs provisions d'hiver. Mauvais signe, il pleuvra longtemps. À travers la neige fondue, il distinguait aussi quelques pincées de grésil. Enfin le vent, qui gémissait en eau tègre contre ses vitres, lui faisait l'effet d'une sonate allemande. « Rentrons vite et tisonnons » ajouta-t-il. Ces mots étaient à peine achevés qu'il avait refermé la fenêtre et s'était jeté près du foyer, entre les deux bras d'un de ses grands fauteuils de cuir, dont se servent de préférence les penseurs et les malades. Mais, une fois là, il sentit tout à coup comme une vague mélancolie envahir sa pensée. Les chenets de l'âtre, qui s'avançaient jusqu'à la pointe de ses pieds, représentaient 2 têtes de sphinx, et cette double image n'était guère propre à recréer cet esprit abattu. 2 langues de feu couraient, il est vrai, tout le long de l'écorce du tremble jeté sur la cendre, mais le spectacle qui en résultait n'était encore qu'une distraction insensible. Abel toucha l'âge le plus mystérieux et le plus étrange de la vie. Il commença à naître plus jeune, et l'on ne pouvait certes pas avancer qu'il fût déjà vieux. Encore quelques mois, et il allait entendre sonner sa 40e année à la grande et inflexible horloge du temps. Né raisonnablement riche, bien élevé, moitié homme du monde, moitié artiste, je devrais plutôt dire amateur, il avait égrené en 1000 plaisirs faciles les plus beaux jours de sa jeunesse. Il était du très petit nombre des enfants de ce siècle que l'amour du lucre n'a pu réussir à entamer. Parmi ses proches, les barbes grises le pressaient souvent de se faire un état. « À quoi bon ? » répondait-il. « En mourant, mon père m'a laissé 6000 livres de rente. Un vieil oncle m'en a légué autant un peu plus tard. On me dit que c'est peu pour le temps où nous sommes. Eh bien, ce peu suffit à mes goûts. Tel que je suis, je me proclame plus heureux qu'un tsar et plus riche qu'un baron hébreu. » De 25 ans à l'âge qu'il avait, Abel, insoucieux des misères dorées à la poursuite desquelles il est de mode de dépenser son temps, avait laissé couler ses jours au gré de 1000 fantaisies. Il s'était mêlé tour à tour de faire de mauvais vers, de vivre au milieu des peintres, dans les ateliers les plus célèbres, de voyager à travers 2 ou 3 mondes. Dans l'intervalle de ses loisirs, il avait noué plusieurs de ces liaisons éphémères qui prêtent un si grand charme à la ville de Paris. L'amour sérieux, qui mène au drame, l'effrayait. Il s'en était écarté avec un scrupuleux empressement. Cela expliquait comment il ne s'était pas marié. Cependant, une tante maternelle, femme d'esprit, lui faisait peur lorsqu'elle lui disait « Abel, prends garde, mon cher enfant, tu es en train de devenir un vieux garçon. »« Qu'importe, répondait-il, si je suis libre. Le mariage a des chaînes de fleurs, mais ce sont toujours des chaînes. » Et s'acheminant, sans s'en apercevoir, vers la 40e année, il ne laissait pas de reconnaître que le célibat a bien aussi ses amertumes. En même temps, les premières rides se dessinaient sur sa figure. Les cheveux de ses tempes s'éclaircissaient. Pour atténuer l'effet de ces outrages du temps, d'autres se jettent avec ardeur dans un centre d'activité. À Paris, 40 ans, c'est l'âge de l'expérience, c'est la saison des affaires, c'est le printemps de l'ambition. Mais encore une fois, Abel était inaccessible à tous ces mobiles de puissance sociale auxquels obéit maintenant le commun des hommes. Oisif, isolé, désenchanté, il repliait son esprit vers le passé. Il le ramenait ensuite vers l'avenir, et toute réflexion faite, il se disait « Ma bonne vieille tante avait raison. Pour avoir le plaisir de ne pas se marier, un vieux garçon épouse l'ennui. » C'était alors qu'à la manière d'un original fameux, il écrivait sur son agenda cette curieuse recommandation « Songez à me marier l'hiver prochain. » Or, l'hiver prochain était venu. C'était justement cette matinée de neige fondue et de grésil. La solitude paraissait plus sombre que d'ordinaire, et Abel n'avait encore songé à rien. « Que vais-je faire ?» se demanda-t-il. Pour endormir sa pensée, il prit un album sur une table et voulut l'examiner. Mais comment trouver plaisir à recevoir des dessins qu'on a feuilletés 100 fois? Les coups de crayon, les pochades, les vers, la prose, tout lui était connu de longue date dans ce recueil. Il rejeta l'album. « Eh bien, faisons un peu de musique, » reprit-il. Vainement, il se mit à son piano. Un lourd bonnet de plomb s'apesantissait sur sa tête et le rendait incapable de combiner 2 notes de la gamme. Les livres des poètes sont, à ce qu'on prétend, ceux qui consolent le plus. Il courut à sa bibliothèque et mit la main sur le rayon où se trouvaient, élégamment reliés, les rhapsodes de notre 19e siècle. Abel ouvrit au hasard un volume de Lamartine et il y trouva le lac, une mélodie d'amour. Il prit Béranger et tomba sur La vieille maîtresse, une chanson d'amour. Il courut à Victor Hugo et il rencontra La fleur et le papillon, un dialogue d'amour. Il interrogea Alfred de Musset et son doigt s'arrêta aux joies et aux tristesses de Mardoche, une histoire d'amour. « Retournons tisonner, » se dit Abel. En se rendant à son fauteuil, il fit, par hasard, une station devant une console admirablement sculptée. Sur cette console se trouvait un coffret en bois de Sainte-Lucie garni de clous dorés. Personne ne l'ignore, les objets extérieurs ont l'étrange pouvoir de réveiller les souvenirs les mieux endormis et de rajeunir ainsi de 20 ans celui qui les envisage. « Ah, ce coffret, c'est l'histoire de ma vie, » reprit-il. Le coffret rappelait au quasi-quadragénaire son premier amour. En échange d'une chaîne d'or qu'il avait donnée à une douce pécheresse, il en avait reçu ce cadeau, 4 fois grand comme la main. Il y avait près de 25 ans de cela. La pécheresse avait disparu depuis longtemps, mais le coffret était resté. C'était une sorte de vide-poche dans lequel Abel jetait inconsidérément 1000 objets divers et animés, de vieux camées, des fleurs fanées, un bout de ruban, mais surtout celle de ses lettres qu'il ne brûlait pas. Il y avait bien 4 ans qu'il y avait mis la main. « Allons, » poursuivit-il, « ce sera ma ressource pour aujourd'hui, je ne sortirai pas. » Il demanda à déjeuner et au moment où son domestique desservait, « Mets des bûches au feu et le verrou à la porte, je veux être seul toute la journée. » 5 minutes après, il soulevait le précieux meuble d'une main tremblante. Le coffret était plein jusqu'au bord. Fleurs, lettres, bijoux, des reliques de tout genre l'encombraient, mais particulièrement la correspondance. En vidant le contenu sur un guéridon, Abel vit qu'effectivement son existence de jeune homme était là tout entière. Que d'écritures dissemblables, que de pattes de mouche éloquentes. En opérant cette exhumation, il pâlissait et souriait tour à tour. « J'assistais à bien des drames imaginaires, » disait-il. « J'ai vu et applaudi les 10 chefs-d'œuvre qu'on a joués sur nos théâtres depuis 1830. Est-il une seule de ces pièces qui vaille l'action que je vais retrouver ?» En parlant ainsi, il prenait au hasard, parmi tous ces objets, s'inquiétant peu de suivre un ordre chronologique ou d'obéir à une méthode. La première chose qui tomba sous sa main fut une petite lettre écrite sur papier rose, sans enveloppe, selon la mode il y a un quart de siècle. Sur le cachet qui était de cire verte, on voyait se dessiner un lévrier aux jambes grêles et au long cou cravaté d'un ruban. C'était l'idylle de la 20e année, c'était la préface des amours. « Voilà, disait-il, la lettre d'adieu de Marguerite. Cette foule enfant et moi, nous nous étions rencontrés au jardin de Luxembourg, dans la grande avenue des Marronniers. Elle avait 18 ans et moi 20. Assis à l'ombre, sur une chaise, je tenais à la main un livre que je ne lisais pas. Elle tourmentait un lambeau de mousseline qu'elle ne brodait point. « Une belle journée d'automne, » lui dis-je. « Une belle journée, monsieur, » répondit-elle d'une voix douce qui m'alla au cœur. Ce roman, ainsi commencé, eut bientôt plusieurs chapitres. Mon Dieu ! Cette pauvre Marguerite était par malheur de la famille ailée de Manon Lescaut. Il lui fallait aller promptement d'une tendresse à une autre, sans s'inquiéter jamais de l'avenir, sans comprendre qu'une jeunesse trop vive amène une vieillesse hâtive. Où est-elle maintenant? Qu'est-elle devenue? Après 20 ans, si elle existe encore? Abel s'arrêta à cet endroit de son monologue pour déplier la lettre. Une fille est un oiseau, Abel. C'est une vieille chanson qui le dit, et vous me l'avez répété souvent. J'ouvre donc mes ailes et je m'envole. Parlons plus clairement. Je pars pour la Hollande, dans une berline attelée de 2 alezans. On me donne un groom, tout galonné d'or. L'hiver prochain, je passerai 3 mois en Italie, près du grand lac de Côme. Adieu donc, Abel, et ne m'en veuillez pas. Au fait, pourquoi m'en voudriez-vous? Je ne vous quitte pas, je disparais. Vous rappelez-vous la dernière promenade que nous avons faite un dimanche soir dans le bois de Meudon? Des Allemands, mes compatriotes, chantaient après boire, sous les arbres, des vers d'un vieux poète de leur pays. Ils disaient « Il n'y a pas que le soleil pour éclairer le monde, il y a aussi la lune. La rose n'est pas une fleur unique, et durant sa vie, l'homme boit le vin de la vendange dans 100 vers différents. Tout change, tout varie, tout se renouvelle. Vous trouviez cela fort beau, à cause de la musique. Réfléchissez, et vous verrez que les paroles aussi sont belles. Adieu donc encore et pour toujours. » Après un sourire auquel se mêlait bien un peu d'amertume, Abel remit la lettre dans le coffret. « À une autre, » dit-il. Celle-là se rapportait à son premier duel. Elle était d'un ami intime et ne contenait que ce peu de mots. L'homme que nous attendions, toi et moi, ce matin au bois de Vincennes, n'a reparu hier au soir à son hôtel que pour y faire ses malles et partir. On prétend qu'il a pris la route de Dijon. C'est tout ce que je puis t'en dire aujourd'hui. Or, voici à quelle occasion cela avait été écrit. En se promenant un soir aux Champs-Élysées, Abel était tombé au milieu d'une cohue. Sans le vouloir en rien, il avait marché sur les pattes à un superbe Danois. Le chien avait crié, et le maître du chien, gros provincial à favori roux, avait interpellé le distrait avec assez peu de ménagement. « Monsieur, lui avait-il dit, si l'on est un homme bien né, on fait attention à ce qui se passe à côté de soi, et quand on offense les gens, on doit pour le moins leur faire des excuses. Monsieur, avait vivement riposté Abel, si je dois des excuses à quelqu'un, c'est à ce Danois et non à vous. » Là-dessus, la querelle s'était échauffée. Les voisins, ayant eu la sottise d'intervenir, selon l'usage, il n'y avait plus d'accommodement possible. On avait échangé des cartes, on s'était donné rendez-vous au bois de Vincennes pour le lendemain matin au champ du coq. Mais bien avant le signal convenu, l'homme à favori roux avait quitté Paris et s'était dirigé sur la province avec son Danois. De son côté, Abel, furieux, s'était jeté dans le coupé d'une diligence, il n'y avait pas encore de chemin de fer, et après indication prise, il avait su que son adversaire était arrivé à Dijon. De Dijon, il l'avait suivi, de relais en relais, jusque dans le Jura, qui était sa résidence. Enfin, après 8 jours d'investigation, il était entré, en rase campagne, dans une sorte de château où il avait trouvé le maître du chien à table, vis-à-vis d'une jeune femme. « Eh, je ne me trompe pas, c'est Marceline, ma cousine et ma sœur de lait, » avait dit Abel. « Tiens, c'est Abel, » avait répliqué la jeune femme en se levant de table et en lui sautant au cou. « Que tu es aimable, cher cousin, d'être venu nous voir au milieu de nos montagnes, mais permets que je te présente mon mari, ton cousin Germain, par conséquent. » Le duel s'était nécessairement terminé le verre à la main. Abel, émerveillé d'une pareille rencontre, n'avait pas refusé d'être l'hôte de son ennemi de la veille. Il était resté 3 mois à chasser dans le Jura. La lettre du duel, comme la première épître, fut remise dans le coffret. « À une autre, » reprit-il toujours en souriant. Celle-ci était d'un ancien camarade, aventurier devenu célèbre. « Cher ami, au reçu de la présente, mets-toi en 4 pour m'envoyer un billet de 1000 francs. Je suis compromis dans une affaire qui a mal tourné. Si on m'attrape, on m'enverra pourrir au fond d'une prison, perspective peu agréable. « Hâte-toi, n'épargne rien. Il faut que je sois dans 48 heures à Bruxelles et dans 25 jours en Amérique. Tu sais qu'une pythonisse m'a promis une grande destinée. C'est pour te dire que tes 1000 francs ne courent aucun risque. » Avant même d'avoir lu la fin du billet, Abel avait envoyé l'argent demandé. Au bout d'une heure, l'ami était parti pour la Belgique. Plus tard, il avait gagné les États-Unis et en fin de compte, ils étaient mêlés aux luttes sans nombre des petites confédérations de l'Amérique du Sud. Un matin, les journaux avaient annoncé qu'il venait de s'emparer d'une ville importante et de s'en faire nommer le chef. Le tracas des affaires publiques l'empêchait de songer à me rendre mes 1000 francs, n'importe, à une autre. Cette fois, c'était une missive sans signature, une lettre anonyme. On lui dénonçait en termes bas une personne de son intimité. Abel bondit comme un homme qui, par mégarde, aurait marché sur la queue d'un serpent. « Comment ai-je pu conserver un pareil objet dans mon coffret ?» se demandait-il. « Celui qui écrit une lettre anonyme est un lâche. Celui qui la garde est un mauvais cœur ou un sot. Au feu, la lettre au feu !» Il est en train de brûler cet indigne épître quand son attention fut tout à coup attirée par un bruit inusité. Une voix étrange, une voix qui chantait en plein vent, il serait peut-être plus juste de dire pleurait des vers, se faisait entendre au bas de la rue sous ses fenêtres. Comme c'était une diversion à l'ennui, Abel courut à sa croisée et l'ouvrit. À peine avait-il braqué son lorgnon sur le pavé, qu'il se sentit sous le coup d'un tressaillement étrange. « Juste ciel, serait-ce possible ? » s'écria-t-il. Près du ruisseau, à travers la neige et le grésil, une femme couverte de vaillons remuait de ses doigts bleuis par le froid les cordes d'une mauvaise guitare. Selon toute apparence, cette femme avait été belle. La misère avait passé par là. Elle avait dessiné des rides précoces sur les joues. Elle avait terni les yeux bleus. Elle avait flétri les joues roses. Cette voix, qui se faisait entendre, s'éteignait dans un enrouement cruel, double effet des jeûnes forcés et de l'abus des liqueurs fortes. En prêtant l'oreille, Abel discerna quelques mots. « Ah, mon Dieu ! » dit-il, « c'est un lied allemand. C'est la même chanson que j'ai entendue il y a 20 ans dans le bois de Meudon sous les arbres. » Et après avoir mieux regardé, il ajouta, en se parlant à lui-même, « Je ne le vois que trop. C'est Marguerite, c'est bien elle. Hélas, quoi qu'on en dise, rien ne change. L'histoire de Manon Lescaut finit toujours par la même misère. » En même temps, saisi d'une vive compassion et éclairé par une lueur généreuse, il courut au coffret, y prit la lettre sur papier rose, enfit l'enveloppe d'un petit rouleau d'or et écrivit ces mots sur le tout « Revenez tous les mois ». Ayant ensuite jeté le paquet au pied de la pauvresse, il avait refermé précipitamment la croisée et était revenu tout tremblant près du feu. Voilà donc comment elles finissent toutes, se disait Abel en proie à la plus poignante émotion. Quoique cet incident l'eût profondément troublé, il s'arracha à cette préoccupation et se mit à réviser les autres lettres entassées sur la table. Celles des épîtres qu'il ramassa étaient d'une écriture allongée et tremblée. Cela accusait la main d'un vieillard. Notre chercheur y vit ce qui suit. « Mon cher neveu, je vais mourir. Mais je ne veux pas descendre dans l'autre monde avant de t'avoir dit un mot d'adieu. Je ne t'ai jamais vu. Tu n'as donc en rien gêné ma vie. Des 10 ou 12 collatéraux avides qui m'entourent, tu es le seul qui ne m'ait point accablé de basse flatterie. Tu n'as pas non plus fatigué mes oreilles des mots malsonnants de dot, de misère de famille à alléger ou de charges à acheter. C'est pourquoi je te porte en tête de mon testament pour une somme de 6 000 livres de rente. » C'était en effet à dater de ce moment-là que, se trouvant un peu plus riche, Abel avait pu voir le monde. 5 ans s'étaient écoulés depuis cet heureux jour. Aussi les lettres qui correspondaient à cette date affectaient-elles une forme plus précieuse et presque héraldique. On apercevait sur la cire des enveloppes tantôt une couronne armoriée, tantôt un chiffre historique. Pour le contenu, ce n'était que de fades et banales formules, des invitations de bal, des remerciements qui sont coulés dans le même moule depuis 1000 ans, et en un mot, tout ce qu'on a contracté l'habitude d'appeler la pratique de la politesse. Parmi tant de mièvreries, Abel distingua cependant un pli bizarre qui figurait un losange. Cela était écrit aussi sur papier rose, comme la lettre de Marguerite. Une licorne, imprimée sur cire blanche, scellait l'enveloppe. « Ah ! » dit-il. « Voilà les 10 lignes de Miss Sarah. » Cette Miss Sarah était encore une gracieuse figure de jeune fille. Il y avait quelques années, un nabab avait amené avec lui cette charmante Anglaise, sa nièce, et l'avait présentée dans 2 ou 3 maisons du faubourg Saint-Honoré. À la vue de cet adorable visage, blanc comme le lait, et cependant doré par le soleil de l'Inde, 20 jeunes gens à la mode s'étaient émus. On papillonnait autour d'elle, on l'accablait d'hommages. Mais un soir, par suite d'une indiscrétion, une mauvaise langue vint à apprendre et à répéter qu'elle n'était pas l'héritière du nabab, puisqu'elle n'était que sa nièce et qu'il avait des enfants. Aussitôt le désert s'était fait autour de la jolie personne. Nous nous trompons. Un seul soupirant était resté, presque heureux, d'entendre dire que la jeune fille n'avait ni sou ni maille. C'était justement Abel, épris, déjà amoureux, et qui se disait « Voilà celle que je voudrais avoir pour femme. » Un soir, au bal, pendant une valse, il s'était expliqué. Il avait pressé la jeune miss de lui répondre si, le cas échéant, il lui conviendrait de l'avoir pour mari. « Je vous répondrai à la fin de la semaine, monsieur. » 8 jours après, tandis qu'Abel répétait sur son piano la valse qu'il avait dansée avec Miss Sarah, on sonna à sa porte et un groom lui remit le pli en losange sur papier rose, celui du coffret. L'écriture était fine, déliée, mais à je ne sais quel linéament un peu brisé, on pouvait deviner que la main qui avait tenu la plume était tremblante. Cette lettre, ainsi que nous l'avons déjà dit, se composait de 10 lignes. « Je pars. » Il ne s'agit plus d'un voyage dans l'Inde ni en Angleterre, mais d'un exil à Malte, où je vais diriger la maison de mon oncle pendant 4 ans. Dans 4 ans, Sarah ne sera plus si pauvre et reviendra en France. Y retrouvera-t-elle les mêmes sympathies? Dans 4 ans, Abel, si votre cœur n'a pas changé, venez à elle avec cette lettre et ce qu'elle contient. Sarah se trouvera heureuse d'être votre femme. 14 septembre. Pas un mot de plus. Seulement, en retournant le feuillet, Abel aperçut les débris d'une fleur fanée. Il comprit qu'il y avait dans cet envoi un adieu et une promesse. 15 jours avant, en se promenant dans le parc de Saint-Cloud avec le nabab et sa nièce, il avait lui-même cueilli la plante et l'avait donnée à Miss Sarah, n'imaginant pas qu'un présent si peu significatif pût être conservé. Mais la jeune Anglaise avait religieusement recueilli l'œillet entre les marges d'un roman de Walter Scott, La jolie fille de Perth, et l'avait emporté chez elle comme un trophée. Abel ne pensait guère qu'il eût lui revenir. Miss Sarah partit pour Malte. Il l'avait jetée dans le coffret en bois de Sainte-Lucie, parmi ses autres reliques, en disant « Nous verrons cela dans 4 ans ». Hélas ! Que ne se passe-t-il pas dans l'espace de 4 années ? Le jour de demain efface toujours un peu le souvenir du jour d'hier. Et jugez de ce que cela doit être quand il y a eu près de 1500 demains. Au bout d'une année, la figure de Miss Sarah vivait toujours dans le souvenir d'Abel, mais enveloppée d'une sorte de pénombre. Au bout de 2 ans, les soins donnés à une coquette de salon avaient singulièrement altéré la mémoire du soupirant. Au bout de la 3e année, Abel, partagé entre les fêtes et les voyages, ne se donnait déjà plus la peine de se rappeler. Enfin, la 4e année s'était à peine écoulée que l'apparition lointaine de la jeune et belle Anglaise passait à l'état d'histoire vague et de légende. Cependant, cette lettre et l'œillet qui l'accompagnait réveillèrent comme en sursaut la pensée assoupie et aux 3/4 mortes d'Abel. « Nous sommes le 14 janvier, » se disait Abel. « Si Miss Sarah a tenu à sa parole, elle doit être de retour en France à l'heure qu'il est, m'attend-elle. » Il ajoutait, en se frappant le front, « Mais j'y songe. Il y a déjà 4 mois qu'elle doit être revenue. Ne me voyant pas courir, qui sait s'il n'aura pas changé des résolutions ?» Toutefois, plein de ses souvenirs et emporté par l'espérance de revoir l'étrangère, qu'après tout il avait fort à aimer, il se dit « Je vais m'informer dès ce soir. » La pluie ayant cessé, il fit sa toilette et sortit en disant à son domestique qu'il dînerait en ville. Abel portait sur lui dans sa poche la précieuse lettre et l'œillet. « C'est bien sûr une folie, » murmura-t-il. « En quelque lieu que j'aille, je ne rencontrerai certainement pas la nièce du nabab ce soir. » Après dîner, il entra au théâtre du Vaudeville, où l'on donnait ce soir-là je ne sais quelle pièce à la mode qui faisait courir tout Paris. Au moment où Abel traversait un couloir pour faire ouvrir une loge, il se trouva tout à coup en présence d'un jeune couple qui sortait. Une sorte d'éblouissement passa aussitôt sur ses yeux. De la femme, il venait de reconnaître Miss Sarah. La nièce du Babab donnait le bras à un jeune cavalier ayant toutes les allures d'un mari. Abel pâlit d'autant plus qu'au point précis de la rencontre, il lui sembla qu'une voix de femme lui jetait à l'oreille ce proverbe italien « Loin des yeux, loin du cœur. » Depuis ce soir-là, Abel s'est promis de ne plus conserver de lettres. C'était « Le coffret aux lettres » par Philibert Audebrand.